إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc nous allons débuter ensemble dans le sujet ou dans le domaine du tawhid, de l'unicité, un livre qui est court, hein, comme on dit, Sariru al-Hajm wa Kathir al-Faida. Donc il est en réalité donc court ou petit, mais on y retrouve énormément de bénéfices. Et ce livre s'intitule Thalathatu al-Usul, les trois bases. Thalathatu al-Usul. Donc les trois bases de leur évidence, comme on dit en français, ou adilatiha. Et donc Shir commence par Bismillah. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'lam, rahmakullah, annahu yajibu alayna ta'alluma arba'a masa'il. Al-Ula, al-Ilmu, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabihi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'rifatu din al-Islam. Donc Shir débute son livre par Bismillah. Donc au nom d'Allah. Sache, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sache et connaissance qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre ou de connaître et d'avoir connaissance de quatre sujets. Le premier, c'est la science. Le premier point, le premier sujet est la science. Et qu'est-ce que signifie la science? C'est ma'rifatullah, connaître Allah. Et connaître son envoyé et connaître la religion de l'islam. Trois points importants dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mu'allif, rahmallah, yabtadi'u kitabahu bil basmala. اقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا الحديث كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. Donc Cheikh Rahmallah Mohammed Ibn Abdel Wahhab Rahmallah a commencé ce livre avec la basmala, le fait de dire Bismillah. Et il a pris comme exemple le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et aussi en suivant le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque chose importante et qui n'est pas débutée par le basmala sera donc coupée. Abta, il sera coupé. Donc c'est-à-dire il sera dénué de baraka. Bismillah abda'u. Lorsqu'on dit bismillah, c'est-à-dire en réalité, au nom d'Allah je fais. Donc ici ça serait, au nom d'Allah je vais écrire ce livre. Lorsque tu dis Bismillah avant de manger, c'est comme si tu disais Bismillah akulu. Si tu dis Bismillah avant de faire certaines choses, Bismillah, je suis en train de faire cette chose. C'est ça que ça veut dire, le Bismillah. En espérant la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a bien sûr deux faïda, deux bénéfices lorsqu'on dit ce Bismillah. Le premier, c'est, comme je viens de dire auparavant, le tabarruku. Bil-bada'ati bi-bismillahi azza wa jal. Donc, demander la bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par son nom. Parce qu'on dit Bismillah, je commence par, et je dis donc, au nom d'Allah, au nom d'Allah Azza wa Jal, je commence ce que je fais, ce que je dois faire. Et deuxième faïda, deuxième bénéfice, c'est que lorsqu'on dit Bismillah, on voit que ici il y a ce qu'on appelle, donc il y a un hasr. C'est-à-dire que le au nom d'Allah, ce que tu fais c'est que pour Allah. Donc c'est quoi? Ça reste restreint. Que pour Allah. Donc dès qu'on entend Bismillah, on comprend que toute chose n'est pas faite pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la deuxième faïda lorsqu'on dit Bismillah. Et c'est pour ça qu'on commence par Bismillah. Le bas, il est avant ici le ism. Et Allah, donc c'est, on appelle ça en arabe alam. Alam, ala, al-bari, jalla wa ala. Et c'est l'ism où elle dit تتبعه جميع الأشياء وجميع أسماء عفوا جميع الأسماء حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce nom, c'est le nom où on va retrouver tous les noms d'Allah Azzajal, donc découlent de ce nom. C'est pour ça qu'on dit, on l'a déjà vu auparavant, وَلِلَّهِ الْأَسْمَ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Certes, à Allah appartient les noms donc les plus beaux. Donc, invoquez-le avec ces noms. À Allah appartient les noms. Donc, on comprend que Allah, c'est comme si on le mettait, donc, imaginez-vous un tableau, on l'a écrit du côté droit, et l'Asma al-Husna, on l'écrit du côté gauche. Donc tous les noms reviennent à Allah. C'est pour ça qu'on le dit à Allah appartient à tous les noms. Et ce qui montre que c'est le nom le plus important. Ça c'est une preuve parmi les preuves que Allah c'est le nom le plus important et celui qui va englober tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit bien donc dans son livre, donc surat Ibrahim du verset 1 à 2, un livre que nous avons descendu vers toi afin que tu sortes les gens des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur vers quoi? La voix donc du puissant et du loué. Naam. Et on retrouve souvent donc comme ici lorsqu'Allah dit le puissant, le loué, et après on retrouve juste après quoi? Allah. Donc le puissant, le loué, ce sont les attributs. Et qui est le puissant et le loué? Allah. Donc juste après le verset qui vient après, Allah, celui qui a, donc tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Et malheur aux mécréants d'un châtiment douloureux. Malheur pour les mécréants d'un châtiment douloureux. Et ici, bien sûr, donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc, montre bien que Allah, donc ce nom-là, c'est lui qui va englober les autres noms. Naam. Ar-Rahman, c'est aussi donc ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Fahwa al-mukhtassa billah subhanahu wa ta'ala. Fahada al-ism la yajuzu li ahadin an yusamma aw an yatasamma biha. Wala yutlaqu ala ghayrihi. Ar-Rahman ma'nahu al-muttasifu bir-rahma al-wasi'a. Ar-Rahman, donc c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut s'appeler Ar-Rahman. Aucune des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut s'appeler donc ce nom-là, Ar-Rahman. Ar-Rahman, son sens est celui qui est doté d'une très grande miséricorde, d'une miséricorde qui englobe toute chose. Chaque personne a une part de miséricorde envers ses enfants, envers ceci, envers cela. La miséricorde de chaque personne, bien sûr, elle reste restreinte. Elle va être en vérité donc restreinte. Tandis que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle englobe toute chose. Et Rahim, c'est aussi bien sûr donc un nom qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. Rahman, Rahim. Ici. Afwan, qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est aussi pour autre. Afwan. Qui est aussi bien sûr pour autre que lui. Et c'est celui Ar-Rahim, c'est Zou Rahmati Al-Wasila. Al-Wasila est là, Ghirihi, Tata'adda. Il a Ghirillah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est Ar-Rahim, le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle comme ça. Et on peut aussi donc caractériser ou attribuer ce nom ou cet attribut, rahmakullah, cet attribut à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire qu'une personne, lorsqu'elle a la miséricorde, elle est Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minin raufan rahima. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit qu'il était Ar-Rahim. Donc la personne, lorsqu'elle est miséricordieuse envers les gens qu'elle aime bien, par exemple, donc elle est Ar-Rahim. C'est une personne qui va être Rahima, une personne qui va être donc miséricordieuse. Donc c'est une miséricorde qui touche autrui. C'est pour ça qu'on dit le Wasila. Elle arrive à autrui. C'est-à-dire que ta miséricorde, elle va se faire ressentir sur celui qui reçoit une part de ta miséricorde. Donc Rahim, bien sûr, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ici, lorsqu'elle est le Wasila, lorsqu'on dit elle est Wasila, elle arrive à autrui, c'est-à-dire qu'elle elle arrive à celui dont Allah veut. Il a mayyasha min ibadihi. C'est pas tout le monde qui va profiter de cette miséricorde. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit yu'adhibu mayyasha wa yarhamu mayyasha wa ilayhi tuqlabun. Donc il le montre ici, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Ankabut, verset 21. Il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Donc on voit que cette miséricorde, elle est pas, elle sera pas donc donnée à qui, à tout le monde, spécialement. Elle se rendra à voir, c'est là, elle va arriver chez des gens et peut-être pas chez d'autres. Non, elle va arriver chez des gens mais pas chez d'autres. Et vers lui, donc vous retournerez. Et vers lui, en vérité, vous reviendrez. Et ici, donc il dit aussi, Rahmallah, I'lam, sache. Donc là, on parle bien sûr donc du ilm, on parle de la science. Et l'ilm, c'est idrak ou shay'in, ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Dans le fait d'englober quelque chose ou de connaître parfaitement une chose de façon certaine, c'est d'être sûr lorsque tu es à la ilm, an shay'in, lorsque tu es sûr de quelque chose, c'est ça, à la ilm. Avoir du ilm dans un sujet, c'est-à-dire que tu connais bien ce sujet. C'est ça, avoir du ilm. Et le ilm est retrouvé, donc, en... Donc ici, le ilm qu'on voit qu'il y a l'idrak. Et l'idrak, c'est le fait d'englober, de comprendre la chose dans toutes ses facettes. Et pour avoir ce ilm, donc cette science-là, donc, elle va être en vérité, elle va avoir 6 étapes. Donc, à la 7e maratib. العلم على ست مراتب والمرتبة الأولى donc c'est العلم la science donc comme on a dit auparavant c'est هو إدراك شيء على ما هو عليه إدراكا جازما c'est de connaître quelque chose donc de façon certaine de façon convaincue sûre tu es sûr d'avoir bien compris cette chose là c'est certain donc c'est ça العلم. Deuxième étape, c'est el-jahl el-basit. Donc la petite ignorance. Une ignorance qui est en vérité légère. C'est-à-dire, huwa adam el-idrak bil-kulliya. C'est-à-dire le fait de ne pas connaître la chose entièrement. Tu connais des brides de ce sujet. Tu connais certains points de ce sujet. Mais tu ne le connais pas en vérité parfaitement. Donc on appelle ça el-jahl el-basit. Il te manque quelques points dont tu ignores dans ce sujet. Il y a des points de ce sujet qui sont chez toi donc ignorés. C'est pour ça qu'on dit el-jahl, el-basit. Basit, c'est quelque chose qui est léger, donc pas quelque chose de grave, pas quelque chose de grand, léger. Troisième étape, c'est el-jahl, el-murakkab. El-jahl, el-murakkab. Et ça, c'est huwa idraku shay'in ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi. Donc ici, c'est le fait de connaître quelque chose. Mais de façon contraire. Tu connais quelque chose en vérité, ce que tu connais en vérité, c'est, tu crois que cela veut dire ça, mais en vérité, tu as compris totalement le contraire. Donc là, on dit « el-jahl el-murakkab ». Pourquoi « murakkab » Lorsqu'on parle de « murakkab », c'est quelque chose qui est surmonté de quelque chose, superposé, si on peut dire ça. quelque chose qui sera au-dessus de quelque chose, murakkab. Lorsqu'on dit al-jahl al-murakkab, parce que non seulement il est ignorant de la chose, mais en plus il croit qu'il a quoi ? Qu'il a raison. Donc c'est al-jahl al-murakkab. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est sur quelque chose. Ignorance, mais on ajoute une couche de cette ignorance, c'est que la personne pense avoir raison, mais en vérité elle a tort. Donc on appelle ça, ça c'est pas un jahil basit. C'est pas celui qui connaît un sujet et qui aurait donc des, en vérité des lacunes dans ce sujet. Mais là non, en vérité la personne est vraiment donc à l'ouest, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment en vérité, elle comprend pas la chose. Donc un jahil murakkab. Il y a une poésie par rapport à ça, par rapport à l'ignorant, quelqu'un qui se prenait pour un savant et qui se trompait tout le temps et qui disait vraiment n'importe quoi et qui était donc qui montait sur son âne. Donc la poésie, c'est que c'est l'âne qui parle et qui dit qu'en vérité, donc il y a un âne qui monte sur un âne. Et en vérité, c'est vraiment un jahil murakkab. Il dit moi je suis ignorant parce que je suis un âne en tant qu'animal, mais voilà un âne qui monte sur un âne et là on a affaire justement à quoi? Al jahil al murakkab. Donc c'est une poésie qui parle par rapport à ça. Ça c'est troisièmement. Quatrièmement, al wahm. وهو إدراك شيء مع احتمال ضد راجح. Quatrièmement, donc le wahm. Et le wahm, c'est en vérité quelque chose que tu en vérité, donc, tu as mal compris. Il y a des quoi, il y a des nuances dans ta façon de comprendre. Hein, donc il y a, c'est pas vraiment des doutes. C'est pas des doutes, mais en vérité, donc c'est, hein, c'est trouble un peu. Ça, c'est trouble comme ça. Tu comprends pas bien la situation, mais c'est différent, c'est pas un doute. Et donc c'est le fait de comprendre quelque chose, d'englober donc une science sur un sujet, avec quoi ? Avec la supposition que le contraire, ce serait lui la vérité. Donc déjà là, il y a une supposition. C'est pas qu'il y a une ignorance, on sait pas que le contraire c'est la vérité, c'est que Allah Alam c'est peut-être le contraire. Donc je pense que c'est ça, mais c'est pas que je doute, mais j'ai quand même une supposition, je suppose en vérité que l'autre chose, elle est quoi? Elle est contraire. Le khamis, cinquièmement, c'est le shak. Le shak, maintenant, bien sûr, c'est le doute. Le shak, c'est le doute. Wa idraku shay'in ma ihtimali musawin. Lorsque tu as doute, tu doutes entre deux choses. Donc tu sais pas laquelle des deux est vraie. Est-ce que le contraire, tu penses que le contraire, en fait, c'est celui qui est vrai par rapport à l'autre. Il y a une nuance entre les deux, entre l'ouham. L'ouham, tu penses quelque chose, mais tu dis, mais l'autre, je pense que c'est lui qui est vrai. Mais là, le doute, tu ne sais pas. Donc, tu es en vérité, il y a un équilibre entre les deux. C'est peut-être A qui a raison, c'est peut-être B qui a raison. Le sujet A, c'est ça, ou le sujet B, c'est ça. Je ne sais pas. Donc là, il y a quoi? Il y a un chèque, il y a un doute. Ou chaque kéko, fait le mot hein. Donc, je doute sur ce sujet. Et le sixième et dernier donc, point, dernière étape, c'est huwa idraku shay'in ma ihtimali diddi marjouh. Von. La von, c'est aussi la même chose. Donc en français, ça va partir donc avec le même mot, un doute, mais c'est pas le même doute que le shak. C'est pas le même doute en vérité que le shak en arabe. Lorsque tu shakais, tu sais pas entre les deux. Mais là, tu penses quelque chose, mais tu te dis que le contraire. Ça pourrait être le contraire, mais je suis plus persuadé que ce que je dis, c'est ça la vérité. Tu as quand même le contraire qui te vient en tête. Mais quand même, tu penses que ce que tu as pensé ou ce que tu as compris de ce sujet, c'est lui qui est en vérité donc, la bonne explication. C'est ça. Tu te dis en vérité, c'est ça. Mais quand même, tu penses quand même ce doute-là, mais. Tu dis quand même ce que je pense, c'est lui qui est en vérité, donc c'est ce sujet qui est en vérité plutôt vrai. C'est ma façon de penser, ma compréhension de ces choses en vérité, elle est plus véridique. Donc la science en vérité, elle tourne par rapport à cela. Donc en vérité, à chaque fois que. Donc tout ce que tu connais de tous les sujets que tu connais dans l'islam, sache que tu fais partie d'une de ces six catégories. Tu ne vas jamais sortir. La science, elle ne va jamais en vérité sortir d'une de ces six catégories. Ou tu es vraiment sûr, ou tu n'es pas sûr, ou ceci ou cela. Tu ne peux pas sortir de ça. Les six points-là, c'est en vérité, voilà, c'est ce qui est en vérité en nous. Et la science, l'ilmu, yan qasimu, la qismain. La science aussi, elle est divisée en deux catégories. Daruri wa nazari. Lorsqu'on dit daruri, on va l'expliquer. Donc, en fait, daruri, yani, ma yakunu, idrak, al-ma'loum, vihi daruriyan, bihaythu, yattaru ilayhi min ghayri nazar, wala istidran. كالعلم بأن النار حارة مثلا، أو أن النار حارة مثلا. Donc العلم il est dit, il est en ضروري et en نظري. الضروري c'est quelque chose que tu connais par la force des choses. Tu le connais en vérité, c'est une science que tu vas connaître par la force des choses. Comment? C'est que tu n'as pas besoin de preuves pour cela. Tu n'as pas en vérité donc de preuves écrites pour cela, mafane ou quoi. C'est que chacun d'entre nous sait que le feu brûle. C'est un exemple. On n'a pas besoin que ce soit écrit ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc c'est ça en vérité, daruri. Quelque chose que tu connais par la force des choses. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et nazari. La deuxième catégorie de science, c'est ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء. Donc nazari, donc tu entends le mot nazar, le verbe nazar, le fait de regarder. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as besoin de regarder. Ou dans l'épreuve du Coran et de la Sunna authentique. Donc il y a un besoin ici. Le besoin, c'est de regarder dans l'épreuve du Coran et de la Sunna. Comme la science que il est obligatoire d'avoir l'intention lorsque tu fais les ablutions. Lorsque tu fais tes ablutions pour venir à la prière, tu dois être donc quoi ? Alimenté de cette intention. Tu dois avoir cette intention en toi avant de commencer tes ablutions. Alhamdulillah, on sait que l'intention, c'est quoi ? C'est le fait que tu dis... C'est l'heure de la prière, je vais faire mes ablutions parce que j'aurais prié. Donc l'attention est liée. C'est intérieur. C'est bien sûr, c'est intérieur. Mais cette attention-là, elle est obligatoire. Et on ne pouvait pas le savoir comme ça, on ne peut pas l'inventer de soi-même. On a eu. Donc on connaît l'obligation de cette attention à travers les textes coraniques et récits prophétiques. Et récits du Coran et de la Sunna. Donc on voit. Maintenant, vous avez compris la nuance entre les deux. Daruri wa nazari. La science, elle est donc comme ça. Après, Shir dit Rahmakullah, qu'Allah te fasse miséricorde. Yani, qu'est-ce que ça veut dire en vérité Rahmakullah? Ça veut dire Ghafarallahu laka, ma mada min dhulubika, wafaqaka, wa asamaka fima yastaqbilu minha. Donc, que veut dire en vérité Rahmakullah, qu'Allah te fasse miséricorde? Ça veut dire que qu'Allah te pardonne les péchés que tu as commis auparavant et qu'il te donne la réussite et qu'il te protège de ce qui va advenir. Donc dans la miséricorde, il y a ce qui a été passé, ce qui a été advenu, ce qui va advenir, ce qui va advenir. Donc le passé est quoi ? Et le futur. Donc tout le temps en vérité. Donc on comprend vis-à-vis du temps, tout le temps. وَهَدَا إِدَا أَفْرَدَتُ الرَّحْمَا أَمَّا إِدَا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب. Ici bien sûr donc cette miséricorde était donc accompagnée du pardon. On comprend que c'est par rapport au passé des péchés qui ont été faits auparavant. والرحمة والتوفيق يعني للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. الرحمة donc la miséricorde c'est en réalité le توفيق donc la réussite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala vers le bien. Et le fait d'être protégé et saint des péchés pour ce qui va advenir. C'est ça que ça veut dire en vérité, Rahmakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et na'am, qu'il fasse en vérité donc miséricorde. Et bien sûr, donc, hein, Ar-Rahimun, Yarhamuhum, Ar-Rahman, Irhamu men fil ard, Yarhamukum men fil sama. Hein, donc, les miséricordieux. Le miséricordieux, donc Allah, va leur faire miséricorde. Faites miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, et Allah vous fera miséricorde. Et celui qui est dans les cieux, bien sûr, vous fera miséricorde. Vous fera miséricorde. C'est aussi un des points pourquoi Shir dit ça. Rahmallah. C'est pour ça qu'il dit Rahmallah. Et aussi, pourquoi il dit ça lorsqu'il parle ici en face de ses élèves. Donc c'est des cours qu'il donne aux élèves, ce livre. Lorsqu'il dit Ya'lam Rahmallah. Il parle à des gens qui sont en face de lui, c'est que ce que donne le shirul à l'élève, c'est quoi ? C'est le Coran et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas meilleure miséricorde que tu puisses recevoir. Hein ? Ce que tu touches à la fin du mois, de la part de ton patron, ou de ton rémi, ou à ce que tu veux, ça ne vaut rien devant le dars que le shir, ton shir te donne, ça ne vaut rien. Parce que là, il s'agit de quoi? De ta vie, ta hasanat pour l'au-delà. Donc, quelle est la meilleure miséricorde? C'est justement celui qui va t'enseigner le khair. Celui qui va te montrer le chemin du paradis. C'est lui qui te fait miséricorde. C'est lui, en vérité, qui te donne quelque chose de miséricorde. C'est pour ça qu'il dit aussi, il shir dit ça aussi. Enfin, en fin de compte, parce qu'il donne. Il fait quoi? Il fait miséricorde envers ses élèves. Il fait miséricorde envers ses élèves. Et d'où la nécessité que les élèves quoi, respectent leur shuur. Les savants sont à respecter. Car ils sont en train d'enseigner aux gens du bien. Et on sait ce qu'est la valeur des savants. Ce sont les héritiers des envoyés d'Allah sur l'internat. Ne dis pas que si tu veux regarder le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vivant maintenant, si on peut dire ça comme ça, c'est que tu vois les grands savants qui le suivent. Parce que ce sont les héritiers du prophète. Si tu veux voir comment était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, on va voir en vérité ceux qui suivent exactement sa trace. Naam. Et ça, c'est une miséricorde. Et après, donc, il est obligatoire pour nous, donc, de quoi? De connaître quatre sujets. Quatre sujets. Le premier sujet, bien sûr, donc, c'est Ma'rifatullah. Donc, huwa Ma'rifatullah. Le premier des quatre points. Donc le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit ma'rifatullah, donc c'est bilqalb, avec ton cœur. Et qu'est-ce que veut dire en vérité avec ton cœur? C'est-à-dire que tu acceptes et que tu agrées sa sharia subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété pour toi, a légiféré pour toi dans ce Coran, dans cette sunna qui est authentique. Et de se soumettre à lui. Muslim, c'est bel istislam. Le muslim veut bien dire en vérité, wal-inqiyad lahu bit-ta'a. L'istislam, l'ilah subhanahu wa ta'ala. Wal-inqiyadu bit-ta'a. Wa al-bara'a min shirki wa ahlihi. Voici ce qu'est l'islam, la définition de l'islam. Donc le fait de quoi? De se soumettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. De lui être dévot. Donc de se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Totalement. De donner son dévolu totalement. Avec quoi? Avec le fait que tu vas donc vivre avec sa charia subhanahu wa ta'ala. Non. Donc la personne doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là. Bien sûr, lorsqu'on dit le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on va le connaître donc par les trois principes principaux du monothéisme. C'est-à-dire, lorsqu'on veut bien connaître Allah ce matin-là, on va le connaître en tant que tel. Donc ses noms et ses attributs. Connaître Allah, ça veut dire qu'Allah est doté d'énormément de noms et attributs. Donc on va le connaître à travers ses noms et attributs. Et Allah nous demande de l'invoquer avec ses noms et attributs. Est-ce qu'on l'invoque par des noms et attributs qu'on ne connaît pas? Donc si on invoque par ses noms et attributs, il nous est demandé d'abord de les connaître avant de l'invoquer par ses noms et attributs. Afin de savoir ce qu'on dit. On doit se connaître ce qu'on dit. Donc et c'est la meilleure science. Pourquoi c'est la meilleure science? Le nom l'asma wa sifat. Pourquoi c'est la meilleure science? Parce qu'en ce moment, on est en train de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas meilleur qu'Allah. Donc connaître ses noms et attributs, il n'y a pas meilleur que cela. Et connaître aussi ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Donc ça c'est al-uluhiyya. Ça veut dire afhal al-ibad, les actes des serviteurs. Ou bien l'ilm, l'ilm al-qasd, ça veut dire bien tawhid al-qasd, ou niya, c'est-à-dire ce que tu vas faire, ce que tu dois faire, ça c'est le qasd, c'est en vérité ce que ta volonté et ta niya, et ton intention. Et cette science-là, c'est pas en vérité ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, a obligé, a rendu obligatoire, ou a rendu sunna, ou a interdit. Donc ça c'est af'al al-ibad, tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire tawhid al-ibad. L'unicité de quoi? De la divinité. Ce que Allah t'a demandé. Lorsque tu pries pour Allah, ça c'est tawhid al-ibada. Et il y a aussi tawhid, quoi? Al-rububiya. Donc l'unicité de la seigneurie. Et ça c'est af'al Allah. Ce sont les actes d'Allah. Qu'est-ce que veut dire la seigneurie? C'est-à-dire lorsque Allah donne la vie, il la reprend, il donne la subsistance, il descend la pluie, le beau temps, il crée. Donc ça c'est quoi? Ar-Rububiyya. Ce sont les actes d'Allah. Donc c'est ça. Et l'unicité en vérité, elle est l'unicité, donc le monothéisme, le culte pur de l'islam, Il tourne autour de ces trois principes. L'une donc de ces trois points importants. Le fait de connaître Allah, le fait de savoir ce que Allah veut de nous, hein, et le fait de savoir ce que Allah a fait aussi. Donc il y a ses actes, il y a ce qu'il nous demande, nos actes, et aussi qui il est. On a automatiquement, donc, par rapport à cela, englobé, en vérité, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a englobé ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Non. Et après, c'est « wa ma'rifati » wa ma'rifatu nabihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous est demandé donc, de connaître le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad ibn Abdullah. Et lorsque on va le connaître, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, ça nous demande obligatoirement de le suivre, de savoir qu'il est venu avec une guidée, avec une voix, hein, et de le considérer comme véridique sur ce qu'il nous a dit. Donc de croire totalement en son message, en son message sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr de se soumettre là où il nous a ordonné, et d'éviter et de s'éloigner de ce qui nous a interdit. Et de, donc de le prendre en tant que guide dans notre religion. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, mentionne énormément de versets vis-à-vis de cela, du fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Regardez dans cette phrase là, en vérité il y a énormément d'éléments dans ce verset là. فلا ربك, non par ton Seigneur, لا يؤمنون, Allah y jure par lui-même, فلا ربك لا يؤمنون, ils ne sont pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ce dont ils se sont disputés, sur ce dont ils ne sont pas d'accord. Donc deux musulmans qui ne sont pas d'accord sur un sujet, ils allaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour savoir qui a raison des deux. Et tant qu'ils n'auront pas accepté ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la foi. Ils ne croient pas en lui. Pourquoi ils n'acceptent pas ce qu'il a dit? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, il ne s'arrête pas là, ce printemps-là. Il va plus loin. Il va jusqu'à l'agrément. Car il dit, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge, hein, sur ce dont ils ont été en dispute, et ils ne trouvent pas en eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur cœur, quoi, de gêne sur ce dont tu as jugé entre eux. C'est-à-dire, ils doivent accepter totalement. C'est même si c'était une histoire d'argent matin, et que tu as perdu. Tu as tort, tu dois payer, c'est une somme, tu vas donner 5000 euros, ça va te faire mal. Mais si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait à juger devant vous, tu ne dois que accepter, sans que cela te fasse mal, car c'est la loi de l'islam. Donc tu vas accepter. C'est pour ça qu'il dit Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa la yajidu fi anfusihim mimma qadayta wa yusallimu, donc on a vu, encore une autre étape, wa yusallimu taslima, et ils se soumettent d'une totale soumission. Wayusallimu. Alors il n'y a pas dit wayusallimu tout simplement. Wayusallimu. Wayusallimu. Taslima. Et là on voit que quoi? Yusallimu. Yumezum. Pour comment se fait, hein? Vous voyez quoi? Et ils doivent se soumettre. C'est un ordre. Et ils se soumettent impérativement. Hein, c'est pas wayastaslimun. Tu vois, yastaslimun comme ça. Alors il dit, et je vous ordonne, en réalité, ici dans ce verbe. Parce que c'est un impératif. Hein? Soumettez-vous d'une totale soumission. Donc en vérité, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu n'arriveras pas en vérité à t'échapper par rapport à ce verset-là. On voit que alors il montre les étapes. Tu acceptes. Il n'y a rien dans ton cœur et tu te soumets totalement. Donc tu le prends comme juge. Il n'y a rien dans ton cœur et tu te soumets totalement. C'est fort. On voit qu'en vérité c'est pas léger. Décortique le verset et tu vois que c'est pas léger. Et il dit aussi Subhanahu wa Taala. Donc ça c'est dans Sourate An-Nisa, verset 65. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dans Sourate An-Nisa, toujours, verset 59. Et si vous êtes en divergence sur quelques points, fi shay'in, shay, c'est-à-dire sur tout, shay, c'est-à-dire une chose, même la moindre des choses. Vous voyez ce mot, shay, shay, c'est tout, chaque chose, c'est une shay. Là, fi shay'in, retournez-le, retournez cette chose, hein, donc ramenez cette chose à Allah et en son envoyé, c'est-à-dire à Allah, au Coran, et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était vivant. Lorsqu'il est mort, bien sûr, à sa sunna, à ce qu'il nous a laissé comme héritage, la sunna authentique. Si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle du jour dernier? Car vous allez revenir vers lui. Et vous devrez donc rendre des comptes sur ce dont vous vous êtes disputé. Pourquoi vous n'avez pas accepté le prophète Mohammed comme juge? Pourquoi vous n'avez pas pris le Coran qui a jugé pour vous? Pourquoi vous ne recherchez pas la baraka dans le jugement-là? La baraka, ce n'est pas le fait de pas perdre, c'est pas ça, c'est pas le fait de gagner, tu peux très bien te tromper et perdre. Bien fiché. L'aïb, ce n'est pas de tromper. L'aïb, ce n'est pas de revenir vers Allah. Il est là, l'aïb. Elle est là, la honte. La honte, ce n'est pas le fait que tu as fait une erreur, tu peux en faire une. Quand tu dois juger par rapport à Allah, donc reviens à Allah et à son envoyé. Voilà en vérité le vrai croyant. Et après, il dit, si réellement vous croyez en Allah le jour dernier, et cela, bien sûr, est meilleur et d'une meilleure interprétation. C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas meilleure interprétation que le Coran et la Sunna. Wa ahsanu ta'wila, ça veut dire que tout ce que tu vas prendre ne va jamais être au niveau de l'interprétation d'Allah et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si ça paraît sage, même si ça paraît beau, même si c'est proche, on va dire, soi-disant de l'islam. Mais pas meilleur qu'en vérité de ce qu'il y a en vérité dans le Coran et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous montre, encore il y a d'autres versets, et on va terminer avec un verset, Allah dit... فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Et l'imam Ahmed dit, rahmallah, atadhim al-fitna, al-fitna al-shirk, la'allahu idha radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay' min al-zigh fayahlak. Donc qu'il fasse attention, falihdar, Allah subhanahu wa ta'ala prévient, attention, si on voyait attention un travaux, on fait attention. Attention ceci, on va faire attention dans la vie d'ici. Bon. Attention danger, une bouteille hein, d'ammoniac ou d'alcool, je ne sais pas quoi, où c'est danger, on ne peut pas boire. Attention, ne les pas laisser apporter des enfants, on va faire attention. Donc alors, que dire de lorsqu'Allah nous dit faites attention? C'est encore plus fort. Alors il nous dit attention, qu'il fasse attention ceux qui se quoi, hein, ceux qui vont en vérité être en divergence avec son ordre. Le pas suivre en vérité ce que le prophète Mohammed t'a demandé. Hein? Qui ne leur arrive pas, qui ne leur tombe pas dessus une fitna, hein? Donc un désordre, une turpitude, énormément de choses. Ou qui ne leur arrive pas en vérité un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmed dit par rapport à cela, et sais-tu qu'est-ce que le fitna? Il dit le fitna c'est le shirk, c'est l'associationnisme. Le fait de quoi? D'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est possible que la personne qui commence à repousser, à rejeter les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que va entrer Allah, il va mettre dans son cœur quoi? Zer, l'égarement, et il va périr. Et ça commence comme ça. Tu t'égares jamais fortement. De façon générale, les gens ils commencent toujours par des petits égarements. Toutes les grandes sectes, tous les grands égarements qui ont existé dans l'islam, ils n'ont pas commencé par des grands égarements tout de suite. Shaitan, il se presse pas. Il commence toujours par chouïa, chouïa, jusqu'à ce qu'il t'amène au loin. Lui, il a le temps. Il a, comme on dit, un long souffle. Hein? Nafasuhu tawil. Il a un long souffle. Il te ramène donc par les petites, par des choses bénignes. Tu t'égares jusqu'à ce que tu t'égares totalement. Tu t'égares en vérité totalement. Rien que ce genre de verset faisait peur. Lorsqu'on voit que Abu Bakr Saddiq, il dit bien qu'il avait peur, j'ai peur, de laisser ne serait-ce une chose de ce que le prophète Mohammed s'en a fait, et que je m'égare. Une seule chose, il y a peur. Non. Et le même Malik, rahmallah, toujours par rapport à ce verset, lorsqu'une personne a dit, est-ce que je peux faire la niya, c'est-à-dire la Umrah, lorsqu'il voulait faire la Umrah, est-ce que je peux faire la niya de cette mosquée, c'est-à-dire la mosquée du prophète Mohammed s'en a fait. Et tout le monde connaît qu'à Médine, le Miqat, c'est Dhul-Hulayfa, qui est une petite dizaine de kilomètres à peu près de Majin Nabawi. C'est à la sortie de Médine. Une personne qui demande à l'imam Malik, est-ce que je peux faire la niya d'ici? Je veux dire la bec à la Umrah, ou bien le Hajj, Il voulait faire la niya de Majnun Nabawi. Et le même Malik a dit non. Il lui a dit pourquoi? Il a dit parce que j'ai peur pour toi la fitna. Et il lui a sorti ce verset. Et le même Malik a récité ce verset à qui? À cette personne qui a voulu faire en vérité la niya. Regarde, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Soi-disant un bien. Il a juste voulu faire la niya quelques kilomètres avant. Mais ce n'est pas comme ça qu'il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des hadiths dessus. Donc si chacun dit, bah, moi aussi je le ferai de la zup. L'autre il fait de là-bas. Ça commence comme ça. Ça là là. Et puis chacun il fait. Après on va voir la religion des Indiens en vérité, des Hindouistes. Chacun il fait ce qu'il veut. Donc en ce moment-là c'est plus. Et puis moi je vais changer ma qibla. Et puis moi je vais faire cette prière. On n'a pas terminé. Si on ouvre la porte, c'est terminé. Donc Allah a bien dit au prophète Mohammed sallam, juge avec eux sur ce dont Allah t'a montré. Sur ce dont Allah t'a montré. Il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, je suis un homme comme vous. Je suis un homme comme vous. Yuha ilaya. Mais il m'est révélé. Donc il veut dire, là, à ce moment-là, moi, je ne suis plus comme vous. Moi, je suis prophète, pas vous. Donc moi, je peux pas. Vous ne pouvez pas vous permettre de quoi? De parler de la révélation. C'est-à-dire bien, de venir révéler quelque chose. Moi, je le reçois de la part d'Allah, donc moi, je peux venir vous enseigner ça. Mais pas vous. Yuha ilaya. C'est-à-dire, là, il aïkoum en vérité. Pas vous, mais moi. Donc on savait qu'en vérité, à quoi on revient? Au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc bien sûr, ça c'est pour montrer en vérité l'importance de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset-là, le dernier, c'est le Sourate An-Nur, verset 63. Sourate An-Nur, verset 63. Et ici donc, ma'rifat din al-islam, connaître la religion de l'islam. Connaître la religion de l'islam. Ce qui veut dire, l'islam en vérité, de façon générale, c'est-à-dire que tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec donc, sa législation subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où il a envoyé donc, hein, les envoyés jusqu'au jour dernier. Chacun avec bien sûr son temps. Celui qui n'a pas connu le prophète, hein, celui qui a vécu avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a vécu par exemple à l'époque de Moussa ou de Isa, donc il va juger, il a vécu avec, selon bien sûr, la loi qui leur a été descendue par rapport à ce prophète-là. Et dès que ça a été le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est avec la loi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Une législation donc khassa. Donc voilà l'islam de façon générale. C'est de faire une vérité, de vivre son islam, c'est de vivre avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené. De façon, bien sûr, ça reste de façon générale. Non. Et lorsqu'on dit l'islam, c'est-à-dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens aussi s'appelaient musulmans avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Ibrahim, parce qu'il a dit Rabbana. وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. Donc Ibrahim a dit, ô notre Seigneur, donc fais de nous, hein, donc des soumis à toi, et aussi parmi notre descendance, مِنْ ذُرِّيَّتِنَا, parmi notre descendance, une communauté qui va être soumise en toi, qui va se soumettre pour toi. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 128. Sourate Al-Baqarah, verset 128. Ça, c'est l'islam de façon générale. Et lorsqu'on parle de l'islam de façon spécifique, Al-Ma'na Al-Khas, c'est donc Ba'da bi'athatin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut parler d'islam de façon générale en mettant même donc, les autres prophètes auparavant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle de l'islam en spécifique, comme maintenant par rapport à ce qu'on doit savoir nous, comment on doit prier, comment on doit jeûner, là on va parler de l'islam Khas. Hein, donc c'est à ce moment-là une législation qui a été spécifique avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un ma'na am, il y a un ma'na khas. Une explication ou un sens général et un sens spécifique. Donc qui va être spécifique à cette époque. C'est-à-dire depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on comprend qu'à partir de cela, donc, qu'il a rendu caduc, il a abrogé par rapport à sa sharia les autres sharia. Il a abrogé par rapport à sa sharia quoi? Les autres rites. Mais les rites, on ne parle pas d'unicité. L'unicité, ça ne change pas. Car là, ne change pas. Le tawhid n'a pas changé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous les envoyés d'Allah, nous sommes en vérité, si on disait ça en français, comme des demi-frères. Nous avons un seul père et plusieurs mères. C'est-à-dire, nous avons un seul tawhid, mais nos shara'a, nos rites religieux diffèrent. Nos façons de prier, la façon de prier des envoyés d'avant, elle n'était pas précisément comme celle qu'on fait maintenant. Elle n'est pas pareille. Et autre chose encore. Les autres adorations de la même façon. Donc, automatiquement, donc, ces rites ont changé. Lorsqu'on dit l'islam vient abolir ce qu'il y a eu auparavant, il a aboli les shara'a, mais en vérité, il n'est pas venu abolir le tawhid. Parce que le tawhid y est depuis le début. Le tawhid a toujours existé. C'est la même chose. Le tawhid reste. On n'a pas dit avant le tawhid c'était ça et maintenant non c'est ça. Non, c'est pas possible ça. Cela ne change pas. Mais après les actes des serviteurs, donc là on rentre dans le tawhid al-uluhiyya, c'est notre façon d'adorer la khidihi, là à ce moment-là ça change. Afhalul ibad, ce sont les actes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a eu donc bien sûr un changement et même. Le fait d'abroger ce qui est venu auparavant. Adam. Je viens de dire que c'est un seul père. C'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la descendance de Adam. C'est une kinaya par rapport à ça, non, même pas. C'est une image, c'est une expression. C'est une kinaya. Lorsqu'il dit nous les envoyés, nous avons un seul père. Et plusieurs mères. Qui a voulu dire par là, comme quoi en vérité, on a une seule unicité, parce qu'Allah a dit qu'il est seul, il a dit qu'il était seul à tout le monde. Lorsqu'il parle de lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est dévoilé. Donc de la même façon pour tous les prophètes. Mais simplement, les sharia, le sharia, la salat, la zakat, le hajj, toutes ces choses-là étaient différentes. Des choses qui existaient chez eux, qui n'existent plus chez nous, ou des choses qui n'existent chez nous, qui n'existaient pas chez eux, par exemple, c'est ça. Et c'est ça que ça veut dire. C'est une kinaya, c'est une expression. C'est une façon de. C'est une image, quoi. Une parabole, plutôt. Non. Donc voilà, donc ici, donc, comme lorsqu'on parlait des juifs, donc ils étaient muslimoun, ils étaient donc soumis à l'époque de Moussa. Ceux qui ont suivi, les juifs qui ont suivi Moussa, ils sont muslimoun fizaman Moussa. Ça, si on parle du ma'na'am. La même chose pour Nasara, ils étaient muslimoun fizaman Isa. Alayhim salatu wassalam. Et maintenant, bien sûr, donc c'est lorsqu'on parle de cela. Lorsqu'on parle en vérité de l'époque du prophète Mohammed, celui qui suit le prophète Mohammed, c'est lui le musulman. C'est lui le musulman. Et en plus, on sait que lorsqu'on parle de l'islam, c'est la religion qui est agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va être profitable et qui va faire profiter celui qui sera donc croyant, musulman. Allah dit Inna dina indallahi al-islam. Certes, la religion donc chez Allah, c'est l'islam. Inna dina indallah l'islam. Et il dit aussi donc surat Al-Imran verset 19. Al-Imran verset 19. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa may yabtari ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. C'est toujours surat Al-Imran verset 85. Et celui qui désire autre que l'islam comme religion, cela ne lui sera pas donc agréé, accepté, et il se fera partie des perdants dans l'au-delà. Donc non seulement fi dunya, il n'y aura pas de hafd, là fi dunya, voilà fi akhira. Là fi dunya, voilà fi akhira. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'en vérité cet islam c'est aussi une grâce, c'est une rahma. Donc c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit, dans Surat Al-Maïda, verset 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa radaytu lakum l'islam dina. Donc il dit, ce jour où je vous ai complété, j'ai complété pour vous votre religion, où j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété pour vous mes bienfaits, mes grâces, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc il nous montre bien ici, subhanahu wa ta'ala, et dont certains savants disent que c'est le dernier des versets qui est venu. Hein? Même si d'autres disent que c'est Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. D'autres disent que c'est celui-là le dernier. Même par, il y a un khilaf par rapport aux ulama, mais après, même si ce n'est pas le dernier, celui-ci, il fait partie des derniers versets. Wa alaykum salam. Il fait partie du dernier verset. Tout le monde connaît que ce verset, il est descendu. Fi hajjati al-wada. Donc avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de pas beaucoup. De quelques mois avant qu'il fasse le hajj, le prophète sallallahu, lorsqu'il a fait le hajj sallallahu, donc ça c'est un des derniers versets qui est descendu. le jour où, donc j'ai bien sûr, donc on voit que cette religion, elle est parachevée. Elle est complète. À partir du moment qu'elle est complète, si tu diminues quelque chose de cette religion, donc elle sera plus complète. Pour toi, la religion reste complète, mais tu auras considéré qu'elle n'est pas complète. Et si tu en rajoutes aussi, tu auras considéré qu'elle n'a pas été complète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai agréé. Donc là, on voit qu'il y a. Là, justement, c'est par rapport à ça que. C'est-à-dire, le verset, ce morceau de verset, c'est justement le point pour nous important. Donc, c'est le témoin argumentatif. C'est. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Agréé. Allah Azzajal a agréé. On a dit, on est déjà vu auparavant que l'agrément d'Allah, il n'y a pas meilleur que cela. Donc, on a dit. Et bien sûr, donc, ici, Shir a pas oublié de donner un short, une condition. Il a dit bil adilla, avec les preuves. Hein, donc avec les preuves. À partir du moment que c'est avec les preuves, donc c'est bien sûr donc as-sam'iyya, hein, et aqliya. As-sam'iyya, donc ce que tu entends, c'est-à-dire c'est le Coran et la Sunna. Lorsqu'on dit al-sam'iyya, ce sont les preuves qui sont entendues, celles qu'on doit écouter. Elles viennent d'où ? Du Coran et de la Sunna. Ou al-aqliya, celles qui viennent de la raison. Et à ce moment-là, les preuves qui viennent de la raison, c'est ce que tu vois autour de toi. Le fait que Allah Azzawajal a créé les cieux et la terre, ce qu'il a créé en toi-même. Allah nous demande de regarder de deux façons autour de nous. Le regard avec l'œil. Ce qui est autour de toi et en toi-même. Tu regardes premièrement en toi-même et deuxièmement à ce qui est autour de toi. Les cieux, les montagnes, la terre, tout cela. Tout cela. Donc, Sam'iyya, bien sûr, c'est Al-Wahi, la révélation, min al-kitab wa sunna, du Coran et de la sunna. Et l'Aqliya, comme on l'a dit, c'est Mathabata, hein, bin Nazar wa Ta'ammul, le fait de regarder et de méditer. Donc, il nous est demandé et de regarder, de voir autour de nous, et de quoi ? De méditer sur cela. Tu médites tout simplement, ne serait-ce que ta main. C'est un exemple. Pourquoi le pouce est là ? Pourquoi ici c'est mal ? Pourquoi on peut faire ceci ? Comment on tient ? On voit que si c'était ordonné d'une autre façon, ça ne pourrait pas être aussi parfait. Enfin, pourquoi c'est pas les mêmes doigts ? Pourquoi on est que ce soit plus grand, plus gros ? Pourquoi c'est pas à la même hauteur ? Je veux dire, si on regardait par rapport à la main, comment elle est formée ? On voit qu'elle est formée exactement pour pouvoir tenir les choses, pour pouvoir attraper, pour pouvoir vivre avec de façon parfaite. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous a énormément demandé de méditer. Il y a énormément de versets qui prouvent qu'on doit méditer en vérité sur la création et des cieux et de la terre et des montagnes et de ceci et de cela. Naam. Et on va donner un exemple par rapport au Ma'rifa. Hein, lorsqu'on parle de Ma'rifa bil Adilla, hein, lorsqu'on parle bil Adilla, donc le fait d'en vérité, donc de voir, de penser. Et de voir en vérité les cieux et la terre. Lorsqu'on parle de Adilla al-Sam'iyya, donc les preuves qui sont écoutées, la parole d'Allah lorsqu'il dit Muhammad Rasulullah, Walladina ma'ahu. Hein? Muhammad Rasulullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit que Muhammad c'est un envoyé d'Allah et ceux qui sont avec lui. Dans Surat al-Fath, verset 29, et aussi dans Surat al-Imran, verset 144, Wama Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi Rasul. Et Mohammed n'est qu'un envoyé. Certes, des envoyés sont venus avant lui. Hein, il y a eu donc avant lui des envoyés. On comprend que ces envoyés-là, ils ont été morts. Hein, mais un envoyé, c'est un homme comme les autres hommes. Une naissance, une mort, hein, une mort et la khili. Un homme comme parmi les hommes. Donc ça, c'est par exemple hein, donc le Sam'iyya, Dalil Sam'i. Et si on parlait bien sûr donc le Dalil Aqli, donc le fait en vérité de voir tout ce qu'il y a. Tout en vérité, ce qu'il y a dans les cieux, dans la terre et la khéli. Donc on a vu pour. Il reste combien de temps ? Hein ? C'est à 31. Et donc il reste 10 minutes. Donc on va faire. Le thaniya, donc on a vu le oula. Le thaniya, al-amalu bihi. Donc on a vu al-ilm. Et maintenant on voit al-amal. Première étape, l'ilm, l'amal. Hein? On a vu donc l'ilm. D'accord ? Et maintenant, on va parler de l'amal. Parce que c'est ça l'étape. L'étape obligatoire. L'amal, il a bi'ilm. Kif yakun amal bidun ilm. Donc il n'y aura pas d'acte que par la science. L'acte doit être présent, donc doit être précédé par la de science. Il faut d'abord connaître ce que tu fais. Si tu fais sans savoir, donc, en ce moment-là, tu adores avec ignorance. Tu adores en vérité avec ignorance. Et l'amal bihi, c'est donc le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ou de mettre en application, mettre en œuvre ce que tu vas faire, donc ce qui t'a amené, donc l'épreuve, cette science qui t'a amené à quoi ? À posséder une foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été en vérité le moteur, elle t'a poussé à quoi ? À l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Et comment tu vas adorer subhanahu wa ta'ala comme tu veux toi ? Non, comme Allah le veut. Comme Allah le veut. Donc en mettant en pratique, en mettant en œuvre ce qu'il t'a été ordonné, donc tu vas faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, et bien sûr aussi tu vas délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de délaisser et interdit. Ce qui t'a interdit, ce qui t'a demandé de, interdit dans le domaine de l'adoration. Dans le domaine de l'adoration. Donc maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de l'adoration, on parle de la prière, du jeûne, du hajj. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'ibadat al-khassa. C'est les adorations qui sont spécifiques à toi, au fils d'Adam. À toi, personnel. Ta prière, c'est pour toi. Donc, il y a deux types d'adoration. Il y a l'ibadat al-khassa et l'ibadat al-muta'addiya. L'adoration qui va être spécifique que pour toi, ta prière, ton jeûne, ton hajj, tu dois le faire, c'est toi. Donc, ça t'appartient à toi-même. Et l'ibadat al-muta'addiya, l'adoration qui va en vérité donc toucher autrui. Et toucher autrui, c'est par exemple le fait de recommander le bien ou ordonner le mal. Lorsque tu conseilles ton frère, ça c'est muta'addi. C'est-à-dire qu'il a. Il quoi ? En vérité, il se transmet. Hein? Donc il a une évolution. Il y a un parcours entre toi et la personne. Il y a quelque chose. Donc il y a en vérité un cheminement. C'est entre toi. Hein? Et la personne, le fait d'ordonner le bien, le fait de recommander le mal, le fait d'ordonner le bien et de réprouver le mal, et autres. Et bien sûr, donc, l'amel. Et l'amel, en vérité, c'est quoi l'amel ? C'est en vérité le fruit du ilm. L'acte, c'est réellement le fruit du ilm. Celui qui adore le mieux, celui qui adore le plus, donc de la meilleure façon, c'est celui qui a le plus de science. C'est en réalité celui qui a le plus de science. Même si il connaît moins le Coran, même s'il connaît moins de hadith, même s'il connaît moins de règles. C'est pas le fait de connaître plus de règles que dans ta tête et que tu as emmagasiné, mais tu ne mets pas en pratique. C'est en réalité celui qui met réellement en pratique, c'est lui qui a de la science. Tant qu'il met en pratique, conformément à la sunna du prophète, du Coran et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il reste conforme, et ben c'est lui, celui qui a en réalité réellement de la science. Donc c'est le fruit, c'est thamara, c'est le fruit en vertu de cette science. Naam. Et bien sûr, donc celui qui va donc œuvrer sans science a ressemblé à qui ? Aux chrétiens. Eux qui ont plusieurs bibles, plusieurs choses, et qu'en réalité n'ont pas de science réelle. Ils n'ont pas protégé déjà à l'origine ce qu'on leur a donné comme livre. Ils ne connaissent même pas les chaînes de transmission, ils ne savent même pas comment ça arrive à eux. Et aussi celui qui connaît et qui ne met pas en pratique, donc ressemble à qui ? À l'Yahoud. Il va ressembler en vérité à l'Yahoud. Donc ça c'est en vérité al-ilmu bi. Et après, bien sûr, donc al-thalitha, il y a quoi en vérité ? Wa da'wa ilayhi. Et ça, bien sûr, le da'wa, donc on va le laisser pour la suite. Hein, parce qu'on on commence maintenant le da'wa, on va en vérité, donc il reste quoi ? Il reste 5 minutes. Et ça demande plus que ça. Le fait que ça demande plus que 5 minutes, donc on va terminer ici pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc le prochain cours de Thalathatul Usul c'est lundi prochain inshallah azza wa jal, et jeudi là, donc dans 3 jours jeudi inshallah, on continue avec l'adhiya wal afkan. فقه الأدعية والأذكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.